Bonjour Léna. Bonjour Pierrot, bonjour à vous, bonjour à nous. Vous êtes bien dans l'émission Goodbye Kevin, la 170e si je ne me trompe pas Léna. 170e, deuxième émission de la saison 6. Et vous êtes au bon moment, au bon endroit, au bon moment, c'est comme ça ? C'est exactement comme ça, sur Radio Campus Lille toujours, bon petit plan. Et vous savez même pas ce qu'on a fait pour arriver, pour être à l'heure à 15h, on a couru dans tous les sens. On est encore en nage là. Voilà, on donne tout pour vous, tout, vous êtes notre raison de vivre. C'est beau, vous êtes nos enfants ? Non, pas nos enfants, c'est impossible. Vous êtes nos auditeurs préférés. Si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon endroit. Eh ben, on va commencer, Léna. Oui, allons-y. Avec une réédition d'une compilation du groupe Turquoise Days. Duo anglais de synthétique pop du début des années 80, plutôt minimal, mélodique et mélancolique, et qui sort toujours sur un super label qui s'appelle Minimal Wave, qui sort des super trucs. Je pourrais pas vous redire quoi, mais on a déjà sorti des groupes qui étaient sortis sur ce label. Exactement. Et là, on va écouter Grey Skies. La compilation, elle a un titre, ça s'appelle pas juste compilation, ça s'appelle Further Strategy. Et ma foi, c'est très très cool, c'est très minimal wave années 80, mais c'est ça dépote. Tout de suite, les Turquoise Days. Don't expect me to make you smile. Turquoise Days. Ah, j'ai adoré. Et bah, peut-être à la fin, si on a le temps, on écoutera un autre morceau. Ok. Bon, en attendant, on va à Toronto, au Canada, avec un trio de rock noise qui est signé depuis un moment chez Sub Pop Records. Ils ont sorti en juillet un single qui s'appelle A Boat to Drown, qui annonce la sortie de leur quatrième album en octobre. À Skip Pierrot, c'est leur album le plus mélodique. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Pourquoi ? Parce que vous allez entendre le morceau, c'est mélodique, quoi, mais c'est quand même très noise, quoi. Bah, peut-être dans l'histoire de leurs morceaux, quoi. Oui. De leurs albums. Le groupe s'appelle Metz, j'ai oublié de vous le dire, M-E-T-Z. C'est pour ça, moi j'ai vu le nom, oui. Donc je savais que c'était quand même globalement sur la ligne énervée. On est sur la ligne énervée, le single, mais par contre le single quand même, A Boat to Drown, c'est plutôt sur un peu cette idée de quand t'as des obstacles dans la vie, c'est en gros toutes les choses mauvaises, tu les laisses derrière toi, tu t'élèves au-dessus, tu les surmontes. Et tu te tournes vers le futur et tu ne t'en porteras que mieux. Ouais, c'est pour ça, c'est de la méditation en fait. Ouais, exactement. Donc on écoute tout de suite A Boat to Drown, un petit bijou de 7 minutes 37 du groupe Metz. C'était Metz avec A Boat to Drone, un morceau qui déménage. Le clip est assez fifou aussi. Il est fifou. Fifou. Et ben on va rester sur la thématique des énervés, Léna. Merde. Nerve. Ça s'écrit N-R-V. Nerve. Avec le groupe Idols qui sort son troisième album Ultra Mono, toujours chez Partisan Records. D'aucuns diront que c'est le meilleur depuis le début. Oui, bah oui. Après, je l'ai lu, mais je me suis dit, mais c'est peut-être pour le vendre, tu vois. Oui, ouais, peut-être. Parce que pour le moment, moi, je l'ai écouté qu'une fois. Je préfère toujours le deuxième. Ouais. J'ai toujours un coup de cœur. Même s'il est très, très bien, et on ressent plus leur message militant qui font, où ils dénoncent les travers de notre société, toujours avec un côté bienveillant. Ça a l'air d'être des bonnes personnes, ouais. En interview en tout cas. Donc, un album qui mérite plusieurs écoutes. Voilà, je vais le réécouter. Ils avaient sorti un single qui était Monsieur Motivator. Nous, on va écouter le morceau Reigns, qui est toujours dans leur même lignée, direct et hargneux, énervé, quoi. Énervé, efficacité. Donc, on écoute tout de suite Idols et Reigns, extrait de leur dernier album Ultra Mono. How does it feel? To have blue blood coursing through your veins. How does it feel to have blue blood coursing through your veins? Idle, c'est le morceau Rain, c'est extrait de leur dernier album Ultramono. Groupe à voir en live. Oui, peut-être, quoi, mais je ne les ai pas vus. Tu ne les as pas vus? Non, je ne crois pas. Non, je ne les ai pas vus non plus, mais un groupe à voir en live. Ok. Quand les salles de concert sont... Tu vois, concert assis, bon, allez-y, ça soutient quand même, ouais, ces salles-là. C'est vrai. Mais je pense qu'on a envie de bouger son popotin sur un groupe comme ça. Je pense également, et également sur le groupe qui va suivre, pardon. Non, j'allais dire, et limite de taper son voisin, en dansant, t'es, lui donner un coup d'épaule. Mais gentiment. Ouais, là, un geste barrière. Ou lui donner un coup de barrière, mais physique. Quoi, dans l'esprit d'un pogo, tout simplement, si vous n'avez pas compris. Oui, oui, oui, avec masqué et avec du gel hydroalcoolique. Voilà. On continue sur la lancée, parce que je pense qu'on a décidé de vous passer tous nos morceaux les plus bourrins en début d'émission. Donc on continue sur cette lancée avec un groupe post-punk londonien, assez colérique, très, très engagé. assez colérique, ouais, c'est clair. Ça s'appelle Italia 90, en référence à la Coupe du Monde 90 qui avait eu lieu en Italie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Toujours est-il que eux, ils sont spécialistes des morceaux courts pour des formats courts. Ils ont sorti que des EP, très efficaces, sans fioritures, autoproduits. C'est un peu un genre de frustration, mais en carrément plus vénère, vraiment plus vénère. Et là, du coup, le morceau qu'on va écouter, il s'appelle Stroke City. Il est issu de leur EP Italia 90 3, ce qui était sorti en novembre 2019. Ouais. Bah, c'est tout, ça balance. Pardon. That one day they would come for you. Your And politics ain't what you do. You never thought that one day they would come for you. You're not a criminal, and politics ain't what you do. You just close your eyes and smile and take a lie. C'était Italia 90 avec Stroke City, extrait de leur EP Italia 90 à numéro 3. Et eh bien, on va passer sur du smooth, quoi, du un peu plus calme. Ouais, ça y est, là, on close le chapiteur. Avec un groupe emblématique ISG, qui est un quatuor en provenance de du Bronx, formé à la fin des années 70 par les sœurs Scroggins. Et la rumeur, la légende raconte que leur mère leur a offert des instruments de musique pour les oliner de la violence de la rue. Et, ouais. Et alors, ça a réussi ? Bah, je pense, parce que ça a bien marché, puisque c'est un groupe culte qui a la croisée du funk, même de la dance, qui est une sorte de blues dansant, qui a bien influencé le mouvement hip-hop, ou encore la house. Le hip-hop. Ouais, ça m'a fait rire. Et donc ESG, bah, si on peut les mettre dans d'autres groupes du même courant, il y avait les Conks ou encore Liquid Liquid. Voilà, c'est vraiment années 80, ils sont passés après les Talking Heads ou Blondie qui cartonnaient. On les a mis aussi dans le courant No Wave avec les Wire. Voilà, c'est un groupe un peu culte. Et là, on va écouter un extrait de leur dernier album EP qui est sorti en 2002, donc récemment, dans l'échelle de leur carrière. Qui s'appelait Step Off, qui était sorti chez Fire Records et Soul Jazz Records en même temps, et le morceau Be Good To Me, une tuerie. Baby, I'll be good to you. engagé avec leur blues plutôt froid, alors que sur d'autres albums, c'est plutôt dansant et il y a la basse batterie qui ressort beaucoup avec le chant d'une des sœurs. Voilà, ESG, si vous ne connaissez pas, écoutez, c'est très très cool. On enchaîne avec Jonathan Persson. Je vous en avais déjà parlé quand son premier album était sorti. C'est le projet solo d'un des membres de Corridor. Corridor qu'on a déjà passé dans l'émission. Il sévit une fois de plus avec son second album qui est sorti en août, fin août, et qui s'appelle Disparition. C'est sorti chez Michel Records. Et donc, je te propose d'écouter Springsteen. Voilà, sans plus de présentation. Jonathan Persson. Est-ce qu'il y a un jeu de mots à ton avis avec Jonathan Persson? Pardon. Je sais pas. Je n'attendais que vous. J'ai aucune idée. Tu me prends de court. Pardon. Donc Jonathan Persson avec Springsteen, extrait de son dernier album, Disparition. Eh bien, on va continuer avec un morceau un peu ovni, d'un artiste ovni qui s'appelle Dean Blunt. Dean Blunt, qui est son vrai nom, c'est Roy Nawushi, qui est un artiste britannique, producteur, auteur-compositeur, interprète, réalisateur, quoi, il fait tout. Blablabla, etc. Etc. Mais il est surtout connu pour son groupe d'avant-garde Hype Williams, où il est avec Inga Copland, que je connais pas du tout. Pour moi, tout te dire, Dean Blunt, c'est un inconnu. Je suis tombé sur son morceau par hasard. Et je le trouve très bien, c'est pour ça que je le passe. C'est une belle petite découverte qui te tombe dessus sans crier gare. En tout cas, ce morceau, je ne sais pas pour le reste, parce que c'est un artiste assez prolifique, qui fait plein de musique et qui essaye de casser les codes ou même de les rejeter. Voilà, c'est un provocateur plutôt. Voilà. Un agitateur. Voilà, et il fait de l'art pop. Donc tu vois, comment il aborde la musique. Et là, on va écouter un titre qui est sorti chez World Music. Le titre le plus long au monde, puisqu'il s'appelle As Long As Rops, Unravel, Fakes, Rolex, Will Travel. Voilà, vous ferez votre traduction si vous voulez savoir ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un long morceau minimaliste, un peu crotrock, qui m'a beaucoup plu. J'espère qu'il va vous plaire également. Ne changez pas de station. Dean Blunt. Thank you. J'avais prévenu qu'il y avait un ovni qui allait passer. Hein ? Hein ? Hein ? Ouais, comme ça quoi ? Se termine brutalement, cette chanson. Ouais, comme la vie. Pardon. Oh là là, bonjour, bonjour, bonjour les cyniques. Eh bien, on continue avec un groupe qui s'appelle Bedroom. Enfin, je devine qu'il s'appelle Bedroom, parce que du coup, ça s'écrit B-D-R-M-M. C'est un quintet qui vient de... T'es très forte, parce que moi, je vois le nom comme il est écrit. J'aurais fait, il s'appelle B-D-R-M-M, j'aurais rien compris. Quoi. Bah, je pense qu'il s'appelle Bedroom, parce que l'album s'appelle Bedroom. Ah, quelle enquête. Du coup, c'est un quintet qui vient de Hull, à l'est de l'Angleterre, pas très loin de Leeds, plus sur la côte, et qui aussi, entre la Dream Pop et le Shoegaze, ils ont signé chez Sonic Cathedral en 2019 et ils viennent de sortir leur premier album début juillet, qui s'appelle donc, Pierrot, premier album. Bedroom. Exactement. Le morceau que je te propose d'écouter s'appelle Mono, et on l'écoute tout de suite. C'était Bedroom avec Mono. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pensé à vous dire que c'était de l'instrumental. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Et ouais, sauf que moi, je pense que ça m'était complètement passé au-dessus. C'est toi qui avais fait les paroles dans ta tête. Non, mais comme ça me faisait penser à Div. Peut-être qu'en y pensant, tu sais, j'ai un peu mélangé les deux, quoi. Ouais, shoegaze, les voix, elles sont toujours noyées derrière la guitare. C'est ça. Et bien là, on va écouter un artiste dont la voix est importante, puisque c'est un chanteur de soul et de funk, qui est malheureusement décédé en 2013. C'est William Daron Pulliam, plus connu sous le nom de Darondo. Lui chantait à San Francisco, sur la côte ouest, dans les années 60-70. Donc il a une voix qui se situe, une voix falsetto, qui se situe à mi-chemin entre celle de Al Green, grand chanteur de soul, et Ronald Isley, voilà, les Isley Brothers, pour situer son timbre de voix. Et le label Ubiquity Records, ou même plutôt sa sous-branche Louvain Height, avait sorti un album de cet artiste en 2006, où on voit tout l'art de la soul qu'il a. Et donc je vous propose d'écouter cet album, un extrait de cet album, Didn't I, album qui s'appelle Let My People Go. Voilà, je pense que j'ai tout dit Léna. C'est juste Didn't Hide. Hein. Très belle voix. Et Goodbye Kevin, comme le signale très bien le guide du routard lillois, notre spécialité, c'est de passer d'un style musical à un autre. qui n'ont rien à voir. Là, on passe de la soul au funk, on retourne au post-punk, à la no wave. Minimal wave. Voilà, de Turquoise Day, un deuxième extrait. De la compilation que tu nous as présentée tout à l'heure. Au tout début, merci Léna. Et on va écouter Alternative Strategy pour conclure cette émission. On revient se dire au revoir. Take it or leave it. Prenez ce podcast ou partez, c'est ça qu'il a dit, ouais. Léna. Ou laissez-le. Ou laissez-le. Prenez-le, laissez-le. Non, bon, je pense qu'ils disent prenez-le, prenez-le. Prenez-le, profitez, partagez. Ben voilà, c'était l'émission 170 de Goodbye Kevin. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même combat. Et continuons le combat. Et on dit bonjour au festin nu, bien sûr. Bon docteur Benoué. Dans votre voiture là, dites bonjour. Bonjour au festin nu. Bonjour festin nu. Coucou, ça va bien? Et bah ciao, ciao ciao. Ah. Ciao ciao. Allez tous. Et tous. Tu nous balances le générique, Régis. Il arrive le générique. Tu vas voir, ça va partir dans les oreilles comme d'hab. Au revoir.